Nouvelle 16. L'école des tambours. Nom d'un chien, m'écriai-je. Il ne serait pas dit que j'aurais passé si près de l'emballeur sans aller lui dire un petit bonjour. 2 heures après ce cordial monologue, une voiture de louage, coûteuse mais inclémente aux fesses du pauvre monde, me débarquait devant le fort de C. Par un sentiment de discrétion que tous les vrais patriotes apprécieront, je ne dirai pas la situation du fort de C, sa valeur stratégique, ses ressources, ses moyens d'action, ses côtés faibles. Nul doute pourtant que ces révélations ne soient accueillies de l'autre côté du Rhin par des nuées de thalers. Que m'importe, j'aime mieux prendre l'omnibus pour mes 3 sous de France que de rouler carrosse avec de l'or teuton. Es-tu content des roulades ? Je me contenterai, et cela suffira, de dire que le fort en question est occupé par une compagnie d'infanterie et quelques bagues tringlots. La compagnie est commandée par le capitaine Lamballeur, un vieil ami à moi, qui ne saurait proférer 4 mots sans y intercaler 2 ou 3 pétards de Dieu. Au demeurant, le meilleur fils du monde et le père de ses hommes. Enchanté de me voir, le capitaine Lamballeur, pétard de Dieu, me présenta à son lieutenant, un joyeux de riz terriblement calembourgeois, et à son sous-lieutenant, un jeune officier plein d'avenir. Ces messieurs furent charmants. Nous voilà devenus tout de suite des camarades. Lamballeur, en attendant le déjeuner, tint à me faire visiter le jardin du fort, un jardin où il poussait des carottes, pétards de Dieu, grosses comme ça, et des choux épatants, mon cher. Puis, j'eus à considérer les lapins du fort, de rudes lapins, à vrai dire, et les poulets du fort, volailles à nulle autre seconde. On m'avait réservé, pour la fin, le spectacle du cochon du fort, un cochon nommé Auguste, qui était l'objet de l'idolâtrie de toute la compagnie. À franchement parler, ce cochon me parut ressembler à tous les autres cochons du monde, mais devant l'enthousiasme de ces braves gens, je concédai, avec la grâce la plus exquise, qu'Auguste était un bien remarquable cochon, un cochon peut-être unique en son genre, et même en tous les autres genres. Bien que gras à l'art depuis longtemps, Auguste échappait au trépas. Personne dans la compagnie n'aurait consenti à le tuer. Le capitaine, d'ailleurs, ne s'était jamais décidé, pétard de Dieu, à commander un tel meurtre. Nous serions peut-être encore en train d'admirer Auguste si un homme n'était venu prévenir que messieurs les officiers pouvaient se mettre à table. Excellent menu, nourriture saine et abondante, et puis le grand air, la montagne, quel appétit, mes seigneurs! Après le déjeuner, Lamballeur passa son bras sous le mien. « Allons voir les environs du fort, pétard de Dieu !» Et l'excellent capitaine disait les environs du fort du même ton qu'il avait dit les lapins du fort. Dans son esprit, ces environs avaient été créés et mis au monde spécialement pour l'enjolivement de son fort. Il y avait du reste de quoi en être fier. J'ai vu bien des environs dans ma vie. Je n'en ai jamais rencontré qui puissent être comparés aux environs du fort de Lamballeur. Roc, bois de sapin, torrent, cascade, toute la lyre. On se serait cru dans un de ces tables mécaniques et pendulifères qu'on fabrique au Tyrol. Il n'y manquait qu'un petit chemin de fer passant dans le fond. Ah, ce fut dur de s'arracher à un tel pittoresque. Mais l'heure est l'heure et les affaires sont les affaires. Comme nous reprenions le chemin du fort, un grand bruit de tambour éclata soudain non loin de nous. Hein ? Fit Lamballeur, orgueilleux, les entends-tu taper ? Les 2 tambours du fort, la rigouille, tambour en pied, et peloteux, élève tambour, étaient, au dire du capitaine, les premiers tambours du monde. Les entends-tu ? Insistait Lamballeur. Tape-t-il ? Tape-t-il ? Pétard de Dieu ! Si on ne croirait pas tout un régiment ? Mais la stupeur du capitaine ne connut plus de bornes, quand il s'aperçut que c'était Larigouille seul qui produisait tout ce tumulte. Où était Peloteux? Mystère. Pas loin, assurément, car sa caisse gisait là, au pied de Larigouille. Et Larigouille continuait à taper, multipliant les coups de baguette dans le but évident de donner l'illusion de nombreux tambours simultanés. Où diable était Peloteux pendant ce temps? Ah, le voilà, m'écriai-je. Eh bien, il ne s'embête pas, Peloteux. Peloteux, en effet, ne s'embêtait nullement. Très à son aise, en bras de chemise, Peloteux flirtait avec une jeune bergère dont le troupeau paissait non loin de là, inconscient des turpitudes de sa maîtresse. Quand je dis que Pelote flirtait, je prie le lecteur de ne voir dans ce terme qu'un euphémisme, dû à mon extrême réserve, car si le prince de Galles flirtait de telle sorte avec Lady Namite dans les salons, ne pas imprimé savon de Windsor, je vois d'ici la tête de l'impératrice des Indes. Inutile d'insister, n'est-ce pas? Une jolie fille, cette Pastour. Sa physionomie, hâlée par le soleil, contrastait drôlement avec sa poitrine qu'on apercevait copieuse et drue, toute blanche. Et la rigouille battait toujours. Ici-bas, tout prend fin. Le flirt de peloteux comme le reste. Les amants quittèrent leur couche de bruyère rose et apportèrent quelques rectitudes à leur toilette. Le corsage de la bergère, notamment, réclamait une économie moins débraillée. Peloteux enfila sa veste et, après un suprême baiser à la jeune fille, rejoignit la rigouille qui n'avait pas encore arrêté son tapage. Déjà charmé par cette idyllesque vision, nous assistâmes à un second acte encore plus charmant que le premier. En un temps inappréciable, Peloteux reprit possession de sa caisse. La rigouille se débarrassa de la sienne. Peloteux attaqua un pas redoublé capable de conduire 10 000 hommes à la victoire. La rigouille flirtait déjà avec la Pastour. Pour ce qui est de ce flirt, prièrent de se reporter à l'observation faite plus haut. « Pétard de Dieu, la gaillarde !» murmura l'emballeur très allumé. Dans cette circonstance, l'élève tambour peloteux se montra charmant d'esprit et d'à-propos. Le pas redoublé dura le temps moral qu'il devait durer. Il fut remplacé par la charge, une charge héroïque et décisive, puis un grand roulement confus et chaotesque. On eût dit un effondrement d'anges anéantis en des abîmes d'extase. Enfin, encore un roulement, mais un roulement doux et mélancolique. Celui-là, le roulement de l'extinction des feux. Alors Chloé reprit sa houlette, jeta sur ses deux Daphnies en pantalon rouge un dernier regard de bonne fille et poussa ses agnolets vers ailleurs. Très joyeux du devoir accompli, les tambours s'alignèrent avec une gravité comique, se numérotèrent, finirent par le flanc droit et rentrèrent au fort en battant la retraite. L'emballeur était dans tous ses états. Je ne me serais pas trouvé là qu'il eût sûrement rattrapé la jeune montagnarde, mais sa dignité... Très chic, pétard de Dieu, ces tambours, conclut-il. Très chic de taper comme deux quand l'autre a un mauvais coup à faire. Je rectifiai cette dernière expression et sautai dans le break des officiers avec un cordial shake-hand à ces messieurs. Avant de quitter le pays, je voulus serrer la main à mon vieil ami l'emballeur et revins au fort. Et les tambours, m'informai-je. Si tu veux les voir, nous n'avons pas bien loin à aller. Viens. Au bout d'un corridor, une chambre tout en puantie d'idioforme. C'était l'infirmerie. Les tambours buvaient du chien-dent.